L'autre jour, mal caille maman, pour m'tal parler pour vous, parce que vous toi fréquent. Il même dit déclaré, m'si tel maladie, yo van mouen a marché. Sans seul bagay pour m'faire, si l'elle tombe troisième, c'est maître qui croit le ça l'a respecté, la vie n'a doré, la page genou n'a pied. Yo jour, living parat li dit, bonjour chérie. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas à parler. Après, vite rencontrer, il tombe et embrasse, moi fais déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté ma disant, mal et la caille sans son. Tombé fait mauvais sang, tombé craché sang, vine convalescent. Ils ont fibre mais et puis c'est vrai. Ils comment nous voulait pour brésiller. Et monsieur pas dit que m'a prié. Ils aiment moins connaître ça m'a passé. Sans fibre mais et puis c'est vrai. Et comment nous voulait pour brésiller.

Président, mon compère, président, patrie, mon compère, patrie. Allez, qu'il est oui, mais d'aller, qui allez, monde m'a joué pour consoler. Président, mon compère, président, patrie, mon compère, patrie. Président, mon compère, président, patrie, mon compère, patrie. Allez, qu'il est oui, mais d'aller, mourir, qui monde m'a joué pour consoler. Président, mon compère, président.